إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc là on en est au cours numéro 15 de l'explication des 40 Nawawi, mais toujours dans le hadith numéro 2. Trashouf Bekhan, inshallah. Je crois que ce sont eux qui sont arrivés, barakallahu fik. Et donc on va Salam alaikum. Allez-y, inshallah, on commence, bismillah. Alaykoum salam wa rahmatullah. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Allah al-musta'an. Donc, inshallah, donc le cours numéro 15, donc des explications des 40 hadiths, et on en est toujours au hadith numéro 2, le hadith Jibril. Et on avait dit hein, que parmi ceux qui, en fait, qui ressortent parmi les 40 Nawawi, qu'il faut parce qu'en fait lorsqu'on maîtrise cela, le hadith numéro 1, il y a l'explication de le hadith numéro 5 et le hadith ici qu'on est en train de voir, le numéro 2. D'accord. Ces trois hadiths là, eh bien, ils vont englober en fait en général la religion. Et là, ce qu'on fait dans le hadith numéro 2, c'est qu'on va détailler en fait les différents points, parce que lorsqu'on va voir en fait inchallah les autres hadiths qui vont suivre dans l'Arba'in Nawawi, dans les 40 Nawawi, eh bien, ce sont des choses où est-ce qu'on va référer aux explications qu'on a déjà vues, hein, parce que ça sert à rien de les revoir deux fois ou plus, tu vois, en fonction de, il y a d'autres hadiths qui sont dans ce sens-là, et d'autres ils vont nécessiter une un peu plus profonde explication inchallah. Donc on avait terminé le premier pilier de l'islam qui sont les deux attestations de foi. Et il y a juste un dernier point que je voulais souligner avant qu'on passe donc à ce deuxième pilier de l'islam qui est la salat. Ce que dit donc le cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad, hafidhahullah, concernant en fait ce premier pilier de l'islam là. C'est sur la sincérité, parce qu'on entend souvent, il dit, mon intention elle est bonne. C'est-à-dire que peu importe ce que je fais, mon intention est bonne. Même si que je suis ou pas le droit chemin, il dit mon intention est bonne. Il dit le cheikh, ikhlas al-amal lillah wa ittiba' ma ja'a bihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam huma muqtada shahadatu la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Il dit la sincérité dans l'œuvre que l'on fait pour Allah, d'accord, et le suivi de ce qui est venu avec l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, c'est ce que implique les deux attestations de foi, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Wa kull amal yutaqarrab bihi ila Allah la budda an yakun khalisan lillah wa mutabiqan lis-sunnati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Et toute œuvre que l'individu cherche à faire pour se rapprocher d'Allah, cette œuvre là doit être sincère pour Allah Azza wa Jal, et en application de la sunna de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. فَإِذَا فُقِدَ الْإِخْلَاسِ لَمْ يُقْبَلِ الْعَمَلِ. Si quelqu'un fait une œuvre qui est dénuée de sincérité, eh bien, l'œuvre n'est pas acceptée. D'accord ? L'œuvre n'est pas acceptée. لقول الله عز وجل, de la parole d'Allah عز وجل, sourate al-Furqan, verset 23. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Nous avons, dans la traduction du sens du verset, nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. On voit le danger du manque de sincérité dans une œuvre. Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Al-Furqan, verset 23. وَقَوْلُهُ تَعَالَى فِي الْحَدِيثِ الْقُدُسِ Et la parole d'Allah Azza wa Jal dans le hadith Al-Qudusi. Donc Allah Azza wa Jal a dit dans le hadith Qudsi, أَنَا أَغْنَى شُرَكَ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكُ. Donc Allah Azza wa Jal dit dans le hadith Qudsi qu'il n'a pas besoin d'associer et qu'il s'autosuffit. Quiconque fait une œuvre dans laquelle il m'a associé quelqu'un d'autre, je le délaisse, lui et son associationnisme. D'accord ? Ça veut dire que l'œuvre n'est pas acceptée par Allah Azza wa Jal. وَإِذَا فُقِدَ الْإِتِّبَاعَ رُدَّ الْعَمَلِ Et si le suivi de la sunna est délaissé, est perdu, l'œuvre n'est pas acceptée. Quelqu'un qui fait une œuvre qui n'est pas en conformité avec la sunna, eh bien ce n'est pas accepté de lui. Il peut y passer toute sa vie s'il veut. Tant qu'il ne suit pas la sunna, ce n'est pas accepté de lui. لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَ هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدِّ Et ça c'est le hadith numéro 5 de l'Arba'in Nawawiyya. Quiconque fait une œuvre, quiconque invente dans notre ordre ce qui n'en fait pas partie, se verra rejeté. وَفِي لَفْضِ لِمُسْلِمْ Et dans la narration de l'imam Muslim dans son Sahih, مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلِيهَ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدِّ Quiconque fait une œuvre qui ne provient pas de notre ordre se verra rejeté. Donc ça, ce sont les hadiths numéro 5 des 40 nawawiyyah. وَهَذِهِ الْجُمْلَةَ أَعَمُّ مِنَ الْأُولَى La deuxième narration, quiconque fait une œuvre, vous imaginez une œuvre, qui ne provient pas de notre ordre, se verra rejeté. Elle est plus générale que la première narration. C'est-à-dire, quiconque invente dans notre ordre ce qui n'en fait pas partie se verra rejeté. لأنها تشمل من فعل البدعة وهو محدث لها ومن فعلها متابعا لغيره فيها. Le deuxième hadith là qu'on a mentionné, que je vous avais dit qu'il est dans le hadith 5 de l'Arba'in Nawawiyya, quiconque fait une œuvre, amalan, en arabe, amalan ça veut dire une œuvre, ne serait-ce une œuvre, qui ne fait pas partie de notre ordre se verra rejetée, elle est plus générale. Comme narration, elle dit pourquoi ? Parce qu'en fait, elle inclut celui qui invente dans la religion, donc qui fait une innovation. Et elle implique celui qui commet cette innovation en suivant quelqu'un qui la commet. Tu vois ? C'est-à-dire quelqu'un qui fait une bédra et l'autre il suit dans cela. Eh bien, son œuvre à lui et à celui qui la commet, elles sont invalides. D'accord ? Et elle implique aussi celui eh bien, qui l'a d'origine commis. Même s'il est ignorant, celui qui le suit. Son œuvre n'est pas acceptée. Même s'il est ignorant. Il n'y a aucune œuvre qui est acceptée par Allah Azza wa Jal. Tant que c'est pas. Yani un ignorant qui fait une œuvre non conforme à la sunna, son œuvre n'est pas acceptée. L'ignorance ici, c'est est-ce que il est sous la menace d'un châtiment ou pas ? Ça, c'est autre chose. Tu vois ? Est-ce que Allah Azza wa Jal lui pardonnera ou pas ? Allahu a'lam. Vous voyez, c'est dans quoi, là ? Le problème, il est dans ça. Il n'est pas dans le fait qu'il commet un acte par ignorance, donc, mais parce qu'il était ignorant, donc c'est accepté. Non. S'il fait une bid'a en suivant un mubtadi'a, s'il fait une innovation en suivant un innovateur, son œuvre n'est pas acceptée à lui et à l'innovateur. D'accord ? Maintenant, concernant l'ignorance, donc comme on avait dit, il y a une divergence hein, des savants concernant l'ignorance. Certains disent que après l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a plus d'ignorance possible. Tu vois ? C'est-à-dire que ils disent les livres sont présents. D'accord ? Les cours sont présents, le Coran est présent dans les mosquées. Les bases de la religion, c'est-à-dire hein, les fondements de la religion, quelqu'un qui ignore quelque chose sur cela, il ignore sur le shirk ou il ignore sur ça, ils disent il n'y a aucune excuse de l'ignorance. D'autres disent que il faut apporter la preuve quand même. Parce qu'il y en a plein, ils vivent comme ça. Et puis, ils ne se rendent pas compte de l'importance des preuves et l'importance que cette religion-là est une religion légiférée par Allah Azza wa Jal. C'est pas une, chacun il fait comme il veut. Et puis, au bled, ils disent prie comme tu veux. Même si tu dis Qufa ma'agnou, je sais pas quoi. Et puis, c'est quand même accepté. Parce que tu as fait un effort. Non, c'est pas comme ça. C'est-à-dire, même si tu dis un sac persil, je sais pas quoi, pendant ta salade, ils disent c'est accepté. Mais c'est pas correct, ça. Au bled, ils te disent, prie comme Dieu. Non, l'essentiel, c'est que ton intention, elle est bonne. Et c'est ce qu'on va mentionner sur ça. Tu as une bonne intention, mais tu ne prends pas la bonne voie. Tu n'arriveras jamais sur la bonne voie. C'est même une mauvaise intention, parce qu'au final, il a l'intention de faire comme il veut. Donc il a, En plus, même si elle paraît bonne. Mais il y a une autre chose qu'on entend aujourd'hui. C'est que... Mais en fait, c'est bien de connaître les équivoques parce que comme ça, subhanallah, c'est-à-dire que même s'il apparaît, on sait que c'est... Une religion d'une science. Non, regardez de qui vous prenez, regardez de qui vous prenez votre religion, barakallofik. Donc il y en a, ils te disent maintenant, aujourd'hui, oui, mais attends, l'innovateur, quelqu'un a dit qu'un tel était un innovateur, mais auprès d'Allah, ce n'est pas un innovateur. D'accord ? Ils disent parce qu'il n'a pas eu l'intention d'opposer la législation. Mais toi, tu l'as jugé sur ce qui était apparent. Mais ça, c'est complètement faux. D'accord ? Donc, si on ne peut pas juger sur ce qui est en apparence, alors comment veux-tu qu'on ordonne le bien et interdise le blâme ? Tu veux pas ? Ils disent non, tu n'as pas le droit de juger, il n'y a que Dieu qui peut me juger. Tu vois ce que je veux dire ? Subhanallah. Ça, c'est les paroles des kuffars, ça. Il n'y a que Dieu qui peut me juger. Subhanallah, ça veut dire je fais ce que je veux, tu vois, et toi, tu dois rester de marbre. Et tu dois sourire à tout le monde et être gentil. On ne demande pas d'être méchant, mais tu dois ordonner le bien sûr avec sagesse, tu vois. Tu dois ordonner le convenable et interdire le blâmable. Parce que pour eux, gentil, c'est celui qui ni n'ordonne le convenable, ni n'interdit le blâmable. Donc c'est pas ça. C'est-à-dire, celui qui dit, il n'y a que Dieu qui peut me juger. Déjà, on évite d'utiliser Dieu, la parole de Dieu, mais on dit Allah. D'accord ? Il n'y a qu'Allah qui peut me juger. Certes, c'est Allah Azzawajal qui va juger entre les gens et qui va juger les personnes le jour de la résurrection, ça c'est clair. Cependant, Allah Azzawajal n'a dit que parmi les attributs des croyants, comme ce verset de Sourate Al-Hajj, d'accord ? الذين إن مكناهم في الأرض قاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Ceux qui ont les attributs des croyants, c'est quoi? C'est ceux qui font la prière, donnent la zakat, ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. Donc, toi, pour ordonner le convenable et interdire le blâmable, comment tu peux? T'es obligé de juger une situation, tu vois, pour dire est-ce que c'est en accord avec la législation ou pas? Tu vois quelqu'un qui est en train de sauter dans la mosquée. Il saute et dit Allah, Allah, Allah. Comment tu peux savoir si c'est une bid'a ou pas? Déjà, il faut que tu vois qu'est-ce qu'il est en train de faire celui-là. Comme ça, tu lui dis arrête de sauter s'il te plaît, je peux te poser une question. Ton trampoline, tiens, mes dames. Et après, s'il veut bien arrêter de sauter, tu lui dis pourquoi tu sautes comme ça dans la mosquée en disant Allah, Allah, Allah. Il te dit parce qu'en fait, après l'asr, c'est bien. Je sais pas quoi, il te ramène avec un truc comme ça. Tu lui dis, ok, quelle est ta preuve que c'est... Donc toi, tu fais ça pour te rapprocher d'Allah Azza wa Jalla, tu fais une œuvre pour... T'espères que cette œuvre-là, elle est acceptée par Allah. C'est ça, je pense pas que tu vas passer du temps, 20 minutes, une demi-heure ou 3 heures dans la mosquée en train de faire ça, et puis tu veux juste que ce soit pour le plaisir. T'aimerais que ça fasse partie de tes bonnes œuvres, oui ou non? Il va dire oui. Donc, une œuvre n'est considérée comme bonne que si elle est en conformité avec la législation d'Allah. Allah Azza wa Jalla, il sait mieux que nous qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mauvais. Donc s'il nous a ordonné de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est que tout le bien est dans le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma arsalna min rasul illa liyuta'a bi'idhnillah dans sourate An-Nisa. Et nous n'avons envoyé un envoyé excepté pour qu'il se fasse obéir par la permission d'Allah. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans sourate Al-Ahzab, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Vous avez dans le messager d'Allah un parfait exemple, un très bon exemple à suivre pour celui qui veut Allah et le jour dernier. Donc on lui pose la question, pourquoi fais-tu cela? Là, les 6 points qu'on a vus la semaine dernière, l'acte d'adoration n'est correct que s'il est en conformité avec soit sa cause, son temps, son lieu, son genre, sa manière et son nombre. D'accord? C'est-à-dire que si lui il fait ça, on lui demande alors, quelle est l'origine de ça? La cause c'est quoi? Quelle est la preuve? S'il dit, bah, je pense que, on lui dit déjà, chut, tu vois, arrête de te fatiguer et puis va t'occuper de ta famille, tu vois, on va lui dire ça comme ça, famille. Tu vois, ou bien fais du dhikr dans la mosquée, essaie de lire le Coran. Tu vois, dis subhanallah, alhamdoulilah. Je veux dire, là tu perds ton temps, tu fais quelque chose qui n'est pas accepté par Allah Azza wa Jalla. Pourquoi tu perds ton temps? Fais quelque chose, subhanallah. Pourquoi tu délaisses la sunna, ikhi? Subhanallah, il y a tellement de... Ikhi, on va mourir et on ne sait même pas si on va pouvoir faire 10% de la sunna du prophète Arsène. Il peut lire, ikhi. Tu sais, juste tu lis le Coran en étant sincère, que tu fais ça pour Allah Azza wa Jalla. Tu lis le Coran en méditant dessus. Chaque lettre, c'est 10 hasana, c'est 10 bonnes œuvres. Et Allah augmente à qui il veut. Subhanallah. Non? Voilà, après disons il sait pas lire, il sait dire subhanallah. Celui qui dit subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, lui est planté un palmier au paradis à chaque fois qu'il dit ces quatre paroles. Un palmier lui est planté au paradis à chaque fois qu'il dit subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah. T'imagines? L'imam Ibn Jawzi rahimallah, il avait dit en commentant sur ce hadith là, il a dit subhanallah ma ada'na min an-nakhl, subhanallah, combien de palmiers avons-nous raté. T'imagines, t'as juste à dire subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Chaque fois que tu dis ça, t'as un palmier qui est planté pour toi au paradis, subhanallah. Vous voyez, en étant sincère, et là t'es en conformité à la sunna. Donc au lieu de perdre le temps dans les bid'a, les innovations, et puis les pertes de temps de 4 mois de se sauter dans la mosquée ou bien de faire des rangs, faire je sais pas quoi. Donc vous voyez, barakallahu fikum, il dit quiconque fait une œuvre qui ne fait pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque fait une œuvre qui ne fait pas partie de notre ordre se verra rejeté. Le cheikh Abdul Mahsin al-Abbad, Hafidullah, a dit cela inclut. Donc celui qui a fait l'innovation, qui a inventé donc cette bid'a là, cette innovation, et celui qu'il l'a fait en suivant l'autre qui l'a fait. D'accord? Donc ça inclut celui qui l'a inventé, qui l'a fait, et l'autre qui le suit. D'accord? وَلَا يُقَالْ إِنَّ الْعَمَلْ إِذَا كَانَ خَالِسًا لِلَّهِ وَلَمْ يَكُنْ مَبْنِيًا عَلَى السُنَّةِ وَكَانَ قَصْدُ صَاحِبُهُ حَسَنًا أَنَّهُ مَحْمُودٌ وَنَافِعٌ لِصَاحِبِهِ. On ne dit pas, hein, que une œuvre, que lorsqu'elle est faite sincère pour Allah Azza wa Jal, et qu'elle n'est pas bâtie sur une sunna, on ne dit pas que parce que cet individu il l'a fait là, il l'a fait, mais attends, il l'a fait sincère pour Allah, bien que ce n'est pas bâti sur une sunna, et que lui, son intention à lui c'était quoi? C'était vouloir le bien. D'accord? Eh bien on ne dit pas que c'est une chose qui est bénéfique ou qui est bonne. Il n'est pas permis de dire que c'est une chose bonne. Akhi, tu ne peux pas juger son intention. Subhanallah, mais akhi, tu fais quelque chose qui n'est pas en accord avec la sunna. Tu ne peux pas dire son intention, elle était bonne. D'accord? C'est pas correct de dire ça. D'accord? Et que cela sera bénéfique à celui qui commet cet acte-là. ومما يدل على ذلك أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال لصحابي الذي ذبح أضحيته قبل صلاة العيد شاتك شات لحم فلم يعتبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية لأنها ذبحت قبل ابتداء وقت الذبح الذي يبدأ بعد صلاة العيد. Donc il dit ici, quelqu'un qui dit que son intention elle est bonne, d'accord, quelqu'un il dit son intention elle est bonne, attends écri, il avait une bonne intention, il était sincère pour Allah, bien que ce n'est pas bâti sur une sunna, il n'est pas permis de dire que c'est quelque chose de bien ou quelque chose qui lui sera bénéfique. Il a dit la preuve est dans le hadith, hein, qui est rapporté par l'imam Bukhari et Muslim dans leur sahih, que ce que le prophète Mohammed sallam m'a dit à celui qui a sacrifié son mouton avant la prière du Eid. D'accord ? Qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète sallam ? Il lui a dit, eh bien, le mouton là que tu viens de sacrifier avant la prière du Eid n'est pas considéré comme une udhiya, n'est pas comme considéré comme un sacrifice du Eid, mais c'est considéré comme de la viande. De la viande comme ça, mais tu n'auras pas le... Tu n'auras pas la récompense de le sacrifice du Eid. Est-ce que c'est d'accord ? Non, il avant le... Lui, son intention, elle était bonne. D'accord ? Il avait une bonne intention et tout cela. Mais il a sacrifié avant ce qui est légiféré. La sunna, c'est de le faire après la prière du Eid. Il l'a sacrifié avant. Eh bien, bien que son intention ait été bonne, sincère pour Allah, eh bien, ce n'est pas accepté comme étant un sacrifice du Eid. Mais c'est juste comme une viande. D'accord ? Une viande qui mangera comme ça. D'accord ? Mais s'il le fait, par exemple, si par exemple, lui, il voulait faire une action qui était bonne, il avait une bonne intention. Ouais. Mais si c'est pas légiféré, et puis lui, par exemple, s'il a égorgé la bête, est-ce que c'est permis de la manger ? Non, elle est halal. Elle est halal, il l'a égorgé, elle est halal. Mais c'est juste de la viande, il n'aura pas la récompense que ce sera un sacrifice du Eid. D'accord ? Il rate ça. D'accord ? Non, c'est comme un sacrifice comme ça. C'est comme un sacrifice comme ça. Toi, tu as besoin de viande pour chez toi. Tu as sacrifié comme ça. C'est comme si que. Vous voyez ce qu'il a raté ? Donc voilà. Mais il lui a pas dit c'est bien parce que ton intention, elle était bonne. Non. D'accord ? Donc il a dit qu'il ne l'a pas considéré donc comme étant un sacrifice du Eid parce qu'il l'a fait avant la prière du Eid et non après. والحديث أخرجه البخاري ومسلم وقد قال الحافظ في شرحه في الفتح الحافظ رحمه الله a dit dans le commentaire donc le Fath Fath al-Bari c'est le commentaire de Sahih al-Bukhari الحافظ c'est الحافظ ابن حجر العسقلاني celui qui a fait le شرح de Sahih al-Bukhari. Il a dit, قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة وفيه أن العمل وإن وافق نية حسنة لم يصح إلا إذا وقع على وفق الشرع. Il dit donc dans l'explication de ce hadith là, il dit, le Cheikh Abu Muhammad bin Abi Jamra a dit, il y a dans ce hadith là le fait que l'œuvre, même si elle est en conformité avec une intention qui est bonne, d'accord ? L'œuvre, même si elle est en conformité avec une intention qui est bonne, elle n'est pas correcte, excepté si elle est en conformité avec la législation. وفي سنن الدارمي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه dans Sunan al-Darimi, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui, waqafa 'ala unas fil masjid mutahalliqin. Donc il a trouvé des gens donc dans la mosquée qui font des cercles, d'accord? Wa bi aydihim hasa. Yaqul ahaduhum kabbiru 100 fayukabbiruna 100 fayaqulu hallilu 100 fayuhalliluna 100 wa yaqul سبحوا مئة فيسبحون مئة فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون. Donc là il a trouvé des gens qui étaient en train de faire des cercles dans la mosquée, et puis il y en a un, il a des pierres, et puis il leur dit, allez, dites 100 fois Allahu Akbar, dites 100 fois la ilaha illallah, dites 100 fois subhanallah. Donc Abdallah ibn Mas'ud radiallahu anhu, il leur dit, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? قالوا يا أبا عبد الرحمن. Ils ont répondu oh Abu Abd al-Rahman, la cunya de Abdullah ibn Mas'ud. يا أبا عبد الرحمن حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. Sont les pierres qu'on utilise là pour compter le nombre de tahlil, c'est-à-dire de dire la ilaha illallah, le nombre de tasbih, de dire subhanallah, et le nombre de takbir, de dire Allahu Akbar. On compte avec ça, d'accord, yani le nombre que l'on dit deux fois. قال فعدوا سيئاتكم. Il dit, mais comptez plutôt vos péchés. Subhanallah. فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيئا. Yani, il a dit, je me porte garant que rien ne sera raté de vos bonnes œuvres que vous faites. D'accord ? Wayhakum ya ummata Muhammad. Malheur à vous, ô communauté de Muhammad. Ma asra halakatkum. Comme est rapide votre perdition. Ha'ulai sahabatu nabiyukum sallallahu alayhi wa sallam mutawaffiroun. Voilà les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont nombreux. D'accord ? Qui sont encore présents, nombreux. وَهَذِهِ ثِيَابُهُ لَمْ تَبْلَى. Et il y a encore ici ces vêtements ici qui sont encore présents là. Qui ne sont pas encore détériorés, qui ne sont pas encore... Ils n'existent plus, ils sont encore là, ils sont encore présents, c'est les vêtements du prophète. وَأَنِيَّتُهُ لَمْ تُكْسَى. Et il y a ici sa vaisselle qui n'est pas encore cassée. Subhanallah, ça veut dire, vous voyez, c'est encore présent. La mort du prophète, il n'y a pas si longtemps que ça. Quoi. D'accord ? وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ. Par celui qui détient mon âme entre ses mains. إِنَّكُمْ لَعَلَى مِلَّةِ هِيَّ أَهْدَ مِنْ مِلَّةِ مُحَمَّدْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَوْ مُفْتَتِحُ بَابْ دَلَالَ. Il dit, par celui qui détient mon âme entre ses mains. Soit vous êtes sur une guidée meilleure que celle de la communauté de Muhammad صلى الله عليه وسلم, ou soit vous ouvrez les portes de l'égarement. L'une des deux. Soit vous êtes sur une guidée meilleure du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, soit vous ouvrez les portes de l'égarement. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. Ils ont dit, par Allah, ô Abu Abd al-Rahman, nous ne voulons que le bien. C'est ce qu'on entend, hein? Nous ne voulons que le bien. Mon frère, tu ne peux pas juger, etc. D'accord ? Tout le temps le même discours. C'est toujours comme ça. Qu'est-ce qu'il a répondu ? Eux, ils ont dit, mais nous, on ne veut que le bien. D'accord ? Qala, wa kam min murid lil khair lan yusibhu. Et combien veulent le bien, mais ne l'atteint pas. Ouais, les polythéistes, ils veulent le bien. Ils hein? disent, bah, c'est bien ce qu'on fait. Oui, tu penses que toi, c'est bien, mais c'est pas bien, c'est pas en conformité avec le... Exactement. Combien veulent le bien, mais ne l'atteignent pas. Ils veulent le bien, ils veulent la récompense. Ils ne l'atteignent pas. وهذا الأثر أورده الألباني في السلسلة الصحيحة. Et donc ce أثر là de Abdallah ibn Mas'ud رضي الله عنه, il a été rapporté donc il a été authentifié par l'imam l'Albani dans السلسلة الصحيحة. Donc là on a terminé donc avec ce premier pilier de l'islam. On va passer au deuxième pilier de l'islam. Personne n'a le livret là du hadith de 40 Nawawi. Subhanallah. Il faut le ramener, il faut toujours. Tu l'as pas encore ? Subhanallah, alors à qui il a été distribué ? Il n'y avait que deux. Ah, je m'en souviens, parce qu'il y avait une rupture de stock. J'attends tout le temps qu'ils m'envoient la confirmation. Oui, là, j'ai compris pourquoi. C'est, en fait, c'était les autres livrets qu'il y avait en plus, mais. J'espère qu'ils vont me répondre là que ils ont de nouveau les stocks, que je puisse en recommander. Donc, vous vous souvenez de ce hadith-là, où est-ce que, eh bien, Jibril, alayhi salam, donc questionné le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a posé des questions sur l'islam, sur l'iman et sur l'ihsan, d'accord, notamment. Et on a fait donc le premier, on a expliqué donc les différences qu'il y a entre iman, islam, ihsan, d'accord. On a expliqué lorsque l'iman et ihsan sont dans des textes différents, eh bien, ils ont la même signification, ça veut dire la religion dans sa totalité. Et lorsqu'ils sont ensemble dans un même texte, comme dans ce hadith-là de Jibril, ils ont des significations différentes. D'accord ? Islam réfère donc aux œuvres apparentes, et iman aux œuvres intérieures, aux œuvres cachées. D'accord ? Mais on avait vu également que l'œuvre apparente incluer aussi des œuvres qui sont cachées, comme le fait de dire la ilaha illallah, qui fait partie des piliers de l'islam. Dire la ilaha illallah, œuvre apparente, c'est le prononcer que les gens entendent, d'accord, et puis donc il se met à appliquer ce qu'implique cette cessation de foi, mais c'est en relation avec l'œuvre intérieure qu'il doit avoir la ferme conviction qu'il accepte la véracité de cette parole et ce qu'elle implique. D'accord ? Qui doit être sincère en soi. On arrive donc au deuxième pilier de l'islam qui est iqamus salat. Rukn thani iqamus salat, établir la prière. Donc il dit le cheikh Salah Al-Fawzan hafizahullah. Li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam wa tuqim as-salat. De par la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que soit établie la prière. Ay tu'adda as-salawat al-khamsa al-mafruda fi al-yawm wal-layla. C'est-à-dire que les cinq prières obligatoires doivent donc être établies de jour et de nuit. D'accord ? Et des prières de jour et des prières de nuit. D'accord ? Ma ma'na tuqimuha ? Quel est le sens de qu'elle soit établie ? Li'annahu ma qala wa an tusalli. Parce qu'il n'a pas dit que tu pries. Il n'a pas dit, lorsqu'il a décrit les piliers d'islam, il n'a pas dit, eh bien, c'est la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, que tu pries. Il a dit non, il a dit, et que tu établisses la prière. D'accord ? Il y a bien une différence ici dans ce qui est dit. Donc il n'a pas dit que tu pries. Innama qala wa tuqim as-salat. Mais il a dit que tu établisses la prière. Li'anna al-maqsoud iqamatu as-salat. Parce que ce qui est voulu, c'est que tu établisses la prière et non l'image de la prière. C'est pas juste l'image de la prière de ce que tu vois, que eh bien, le musulman il se tient debout, puis il s'incline, puis il se relève de l'inclinaison, puis. D'accord ? C'est pas l'image qui est demandée ici, mais c'est que tu l'établisses dans tout ce qu'elle implique. D'accord ? Les conditions, les piliers, tout cela, ce qu'on va voir, Inch'Allah. D'accord ? Barakallahu fikum. Donc, ce n'est pas juste l'image de la prière ici, hein, seulement. Mais c'est que tu établisses la prière. Fatuqimu salat bi an ta'ti biha kama ja'a biha an-nabiyu sallallahu alayhi wa sallam li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam sallu kama ra'aytumuni usalli. C'est-à-dire que tu établisses la prière comme celle avec laquelle est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de par sa parole, dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih. Priez comme vous m'avez vu prier. D'accord ? Priez comme vous m'avez vu prier. فَالَّذِي رَاهُ بِعَيْنِهِ يَقْتَدِ بِهِ. Celui qui l'a vu, qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, dans le hadith, priez comme vous m'avez vu prier. Donc celui qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier, eh bien il le suit dans cela. وَالَّذِي بَلَغَهُ خَبَرَهُ وَأَحَادِيثُهُ الصَّحِيحَةِ يَمْتَثِلُ وَيُصَلِّي كَمَا فِي الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ الَّتِي بَلَغَتْهُ. Donc celui qui a vu le prophète prier sallallahu alayhi wa sallam, eh bien il prie comme il l'a vu prier. Et celui dont il ne l'a pas vu, eh bien ces hadiths authentiques nous sont parvenus. Donc il se doit de prier comme cela est mentionné dans les hadiths authentiques. Vous voyez pourquoi vous verrez tout le temps les gens de la sunna insister sur les preuves. Eri, pourquoi tu fais ça? Et ça gêne. Eri, pourquoi? Mais apporte-moi une preuve, Eri, que le prophète Hassan faisait comme cela. Apporte-moi, mais toi tu penses que c'est bien, apporte la preuve. Donc nous, on n'a pas vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam prier. Mais ce qu'il y a, c'est que ces hadiths authentiques, clairs, nous sont parvenus. Donc on se doit eh bien, de mettre en application ces hadiths authentiques. D'accord ? Afin de prier comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prié. D'accord ? هذا من إقامة الصلاة وأن يصلى على الصفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدى الصلاة بها ولا يزيد من عنده أو ينقص من منها. Et donc il dit, le Cheikh Salah Al-Fawzan, Hafidhahullah, il dit donc, fait partie de l'établissement de la prière que tu pries de la même manière que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la fête. D'accord ? Sans rajouter quoi que ce soit, sans diminuer quoi que ce soit. D'accord ? Qui c'est quand même sur un papier ? Attends, le. Si t'as pas de crayon papier. Le. C'est pas grave, Khali, laisse. Donne-moi le stylo juste là. Le. A-t-il le rouge, s'il te plaît. T'en as un ? Bah, vas-y, donne-le. Vas-y, je prends là. Tu veux une gomme avec ? Non, c'est bon, juste ça. Clonfic. Donc. Ce qu'il y a, c'est que Barakallahu Fik, on va s'arrêter à cette partie-là de Cheikh Salah Al-Fawzan dans son explication, qu'on reprendra après avoir décrit la salette. D'accord ? Donc nous, ce qu'on va faire, parce que je vous avais dit, on va détailler, Inch'Allah. Donc, une fois qu'on a vu cette partie-là, on passe à la description de la salette et au détail des piliers et des conditions de la salette. Quelle est la différence entre un pilier et une condition ? Un pilier, oui, c'est lors de l'acte d'adoration lui-même. Tandis que la condition, c'est en dehors, d'accord ? C'est préalable, barakallahu fik. Par exemple, fait partie de la condition de la prière, donnez-moi une condition de la prière. L'odo. C'est pas pendant que tu es en train de faire la prière que tu es en train de faire l'odo. Mais quoi aussi ? Par exemple, il y en a plein, ils tombent dans cette choubra-là, ils veulent faire... Ça, c'est encore autre chose, ça. On a dit, la condition, c'est extérieur à la prière. Préalable à la prière, pour que la prière soit acceptée. La doua, pardon. Non, ça c'est autre chose. Ça, c'est l'intention du nom pour Allah, uniquement. L'intention. Quelqu'un, il y en a par exemple, ce qu'ils font parfois aux États-Unis, c'est qu'ils ramènent des gens, ils disent, ils ramènent son ami qui est un kafir, qui est un mécréant, et puis lui dit, c'est pas grave, viens prier avec nous, c'est pas grave. Comme ça, il va s'habituer. Il faut être musulman. Il n'a pas le droit de prier s'il n'est pas musulman. C'est interdit, ça. Je savais pas. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas musulman, tu lui dis pas jeûne alors qu'il n'est pas musulman. Non, tu veux jeûner, il faut que tu acceptes les attestations. Parce que tu jeûnes, pourquoi ? Tu parles avec des gens, il y en a qui sont influencés par des sœurs, elles sont pas musulmanes, elles disent ouais, je veux envie de jeûner le mois de Ramadan. Et puis, non, mais je trouve que c'est bien pour la forme et tout cela. Donc, l'œuvre qu'ils vont faire, d'accord, elle sera invalide. Je me rappelle qu'ils disaient ça en cours, c'est qu'ils ne sont pas sincères. Ils disent, on veut se marier, mais en vrai, voilà, ils veulent se convertir pour se marier, et même avec la charada. Voilà, c'est ça, et puis ensuite, donc, tout ça, c'est invalide. Ça, c'est la même chose, c'est pas clofique. Si Rada, il vient, oh non, oui. Oui, j'aime l'islam, la vérité, tout. Il fait les deux attestations de foi, il va se marier, il disparaît. Plus rien. Ni il prie, ni rien du tout. Les gens, ils doivent comprendre. Tu délaisses la prière, tu délaisses une prière délibérément, tu n'es plus un musulman, et ton acte de mariage devient invalide. Ça, les musulmans, ils refusent de l'accepter, ça. Il faut que les gens comprennent. Malheureusement, tu vois beaucoup ça au bled, des gens qui disent, ouais, bah... Qu'est-ce qu'on va faire ? On va se marier. Ils disent, pour que si je me marie avec toi, il faut que tu deviennes musulman. Et du coup, certains arabes, j'ai vu dans ma famille, ça les arrange, comme ça ils peuvent venir en France. Et comme ça, ils se disent, bah moi je suis... Ouais, mais ils ont plus ce problème-là maintenant. Ils ont plus ce problème-là parce qu'ils ont, ils ont fait une loi de kufr qui permet aux musulmans de se marier avec des kuffars en Tunisie. Les gens, ils doivent craindre Allah Azza wa Jal. Hein. Les gens, ils doivent craindre Allah Azza wa Jal. Faut pas prendre à la légère le verset « وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ » Quiconque juge autre par la loi d'Allah, ce sont eux les mécréants. Certes, ce verset-là a été révélé, il y a une explication qu'on verra lorsqu'on fera les annulatifs de l'islam, inshallah, dans le détail, bi-idhnillah. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle s'applique sur les gouverneurs et elle s'applique sur les restes, celui qui est gouverné. C'est-à-dire que celui qui ne juge pas avec la législation d'Allah, c'est un kafir celui-là. D'accord ? La masse, ça part. C'est un kafir, la masse. Ensuite, quel type de kofur ? Celui qui est dans le gouverneur, comme on le verra dans le détail. Si lui, il est convaincu que la sharia d'Allah, c'est obligatoire et qu'on est obligé de juger qu'avec cela, mais il suit ses passions et il veut plaire à la masse et tout cela, et il juge par le kofur de la démocratie et tout cela, il commet un péché majeur. Mais s'il dit qu'il est permis de juger avec la démocratie, ou qu'il dit que la démocratie et la sharia c'est la même chose, ou qu'il dit que la pire encore que la démocratie c'est mieux que la sharia et que ça c'est moyenâgeux, etc. Ceux-là, ce sont des apostats, ce sont des kofars. Il faut avoir. Non, mais il faut avoir aucun doute sur cela. Celui qui te dit qu'il est permis de la démocratie, c'est permis tout cela, c'est un kafir sans aucun doute. C'est un kafir sans aucun doute celui-là. Là, après, ce qu'il y a, c'est que tu le raisonnes. Tu lui dis, Akhi, fais attention à ce que tu dis, c'est très grave ce que tu dis. Si tu dis que c'est permis d'aller voter dans les pays de kofr, etc., et puis d'aller truquer, et puis ils te disent le moindre mal, il n'y a pas de moindre mal écrit dans cela. Subhanallah, celui qui te dit, qui monte sur un mimbar et que te dit va aller voter pourquoi ? Pour un kafir en plus. Subhanallah. En plus, le truc c'est quoi ? C'est que faut pas mélanger. La secte des frères musulmans, ils essaient de soi-disant mélanger. Ils te disent, oh non, on a la shura, c'est comme la démocratie. C'est faux. La shura, c'est questionner les gens de science, les savants. Tu questionnes pas la masse. C'est parce que si tu questionnes la masse, le pervers et le pieux, alors si les pieux ils sont minoritaires et les pervers, alors eux ils veulent l'homosexualité, eh bien ce sera l'homosexualité. Eh bien eux ils veulent je sais pas quoi, un truc mauvais, eh bien ce sera quelque chose de mauvais. Tu vois ? C'est pas ça. Subhanallah. Je suis la majorité des gens. Oui, tu dis "Aktharam fil ard", tu dis "Luka, barakallahu fik". Donc ce qu'il y a, barakallahu fikum, c'est qu'il ne faut pas jouer sur cela. Il faut comprendre le danger sur cela. Le danger sur cela, parce que c'est un danger grave. Bien sûr, on ne tombe pas, alhamdoulilah, comme les khawarij sont tombés, avec le fait qu'ils font un takfir sur celui qui commet les péchés majeurs, parce qu'il a jugé par autre que la loi d'Allah. C'est-à-dire les gouverneurs qui sont en place là, et qui sont en train de juger avec des lois qu'ils ont truquées de leur poche et tout cela. Ce qu'il y a, c'est que les gens de la sunna, eh bien, ce qu'ils font, c'est que lorsqu'il y a ce genre de situation, ils voient, eh bien, c'est pas la loi d'Allah, azzawajal, qui est jugée avec, premièrement. Deuxièmement, c'est quoi ? C'est qu'ils sont en train de juger avec cela. Mais toi, akhi, tu ne peux pas faire un jugement de takfir sur cet individu. Parce que tu ne sais pas, en fait, c'est quoi, lui, sa niya ? Est-ce que lui, dans sa niya, il a la ferme conviction que la sharia d'Allah, c'est ce qui est obligatoire et il n'y a que ça qu'il doit être jugé, on ne doit juger qu'avec cela, et qu'il est strictement interdit de juger avec autre. Si lui, il a cette niya-là, tu sais pas, c'est dans son cœur, tu sais pas. Est-ce que lui, parce que s'il est dans ce cas-là, et qu'il suit ses passions, et qu'il veut plaire à la majorité des gens, et puis il fait des lois comme ça de sa poche et tout cela, s'il est dans ce premier cas-là, tu ne peux pas faire le takfir. C'est un désobéissance. Voilà, ça tombe, il est dans le péché majeur. C'est un péché majeur, ça. C'est du kufr duna kufr. C'est-à-dire une mécréance, mais qui n'exclut pas de l'islam. C'est du kufr duna kufr. Et le athar de Ibn Abbas est authentique. D'accord ? C'est-à-dire que... Voilà, c'est-à-dire, est-ce que tu savais ce qu'il y avait dans son cœur ? S'il l'a dit par crainte ou est-ce qu'il l'a dit par véracité et sincérité ? Donc là, on ne sait pas. Mais si quelqu'un il s'avance et il dit « La démocratie, c'est mieux », ça y est, il n'y a plus de doute sur son coffre. Cependant, même si on sait que c'est un kafir, par la parole qu'il a dit, eh bien, il n'est pas permis de se rebeller. Pourquoi ? Parce que toi, si tu vas te rebeller, il va te laminer. Et tu feras beaucoup plus de dommages que... Par exemple, Bachar al-Assad, il n'y a aucun doute que c'est un kafir. Aucun doute, c'est un kafir. Et c'est quelqu'un qui n'est pas un musulman, celui-là. Parce que lui, il fait partie de la secte des Alawiya. C'est une faction des chiites qui croit que Allah est rentré dans Ali, radiallahu anhu. Tu vois ? Donc ça, c'est un kafir, il n'y a aucun doute. Et les ulama, ils ont dit, celui qui doute que Bachar al-Assad, c'est un kafir, ça fait de lui un kafir. Donc nous, on a pas de doute sur ça. Cependant, les savants de la sunna, ils disent quoi ? Ils disent, patientez, réformez-vous, mais si vous vous rebellez, il va vous laminer. Ils l'ont dit ça dès le départ. Ils n'ont pas voulu écouter les savants, regardez aujourd'hui. Ils se retrouvaient avec... Là, je suis sur Paris, tu vois les Syriens dans les rues, par terre, dans les trucs de métro. La moitié de leur famille, elle est laminée, voire toute leur famille. Ils n'ont même plus de demeure, rien du tout. Les savants, ils se sont exprimés. Te rebelle pas. Tu n'as pas la puissance, tu n'as pas... Il va y avoir beaucoup plus de dommages. Donc, tu vois que c'est comme ça, tu dois patienter et te réformer. Donc, même en Tunisie, ils voient les choses qui se déroulent. Là, ils veulent même essayer de faire une loi là, pour mettre l'héritage pareil entre l'homme et la femme. Tu dois patienter. Mais vois l'état des gens en Tunisie. La personne, ils font du shirk. Ils vont aux tombes des aouliens. Ils sont en train de désobéir à Allah. Il y en a, je ne sais pas, mais plus de la moitié, ils ne font même pas la prière. Et ils se demandent après qu'ils veulent un gouverneur juste. Vous voyez ? Donc là, on doit patienter, on doit se réformer, on doit essayer d'inviter les gens à la sunna, à suivre le manège des salafs salah. On doit patienter sur cela, c'est pas facile. Il faut patienter et invoquer Allah Azza wa Jal, qu'il les réforme, ces gouverneurs-là. Parce que si eux, ils se réforment, c'est toute la communauté qui sera réformée, Inch'Allah. Donc, barakallahu fikum. Donc, pourquoi en fait on a parlé de cette grande parenthèse-là ? Vous avez parlé d'une des conditions qui est, barakallahu fikum, qui est la. De la prière, par exemple, quelqu'un qui n'est pas musulman, on ne lui dit pas de venir prier. Tu vois, vas-y, tu vas t'habituer, peut-être qu'il va aimer. Voilà, quelqu'un qui n'est pas musulman, on ne dit pas, vas-y, jeûne, tu vas peut-être aimer. Ce n'est pas accepté par Allah Azza wa Jal. D'accord ? Et c'est comme celui que, par exemple, il ne fait pas la prière et il veut jeûner. C'est la même chose. En fait, même dès que tu réfléchis, même sur la loi qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire qu'en Tunisie, ils ne sont même pas en train de vérifier si l'individu fait la prière ou pas. Vous voyez ce qu'on en est? Moi je vous dis, on est dans les fins des temps, mais on voit plein de signes mineurs. Qu'Allah nous en préserve, mais on souhaite, vraiment, il faut invoquer Allah Azza wa Jal qui nous donne une bonne fin. Qui nous donne une bonne fin. Qu'Allah nous en préserve, subhanallah. Allez, on entend et on a. Allah Musta'an. On entend des cas, tu dis, Aroud Billah. Comment? Mais oui, mais c'est ça. Exactement. Il y aura toujours une minorité de ma communauté qui restera sur la vérité. Toujours une minorité. Voilà, il faut être patient, tu vois, faut se réformer, faut être sincère dans nos œuvres, tu vois. Et Allah al-Musta'an, parce que le nombre d'œuvres qui sont sincères, Allah al-Musta'an, elles se comptent peut-être sur les doigts d'une main. Qu'Allah nous pardonne, nous guide et nous raffermisse. Amin. Donc, barakallahu fikum, deuxième pilier donc, de l'islam qui est la salate. On a bien vu établir la salate, c'est-à-dire prier comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prié. On veut qu'une œuvre soit acceptée par Allah azza wa jal, on doit faire nos efforts pour qu'elle soit conforme. Donc on va voir tout d'abord la description générale de la prière. D'accord ? Et ensuite on va voir en détail tout ce qui est pilier et tout ce qui est condition. Mais d'abord, avant de parler de la prière, d'ailleurs, j'avais oublié de mentionner, une des conditions de la prière, c'est l'oudou. Barakallahu fikum. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a clairement mentionné que c'était la clé de la prière. Maftah al-salat al-tuhur. La clé de la prière, ce sont les ablutions. Si quelqu'un ne fait pas les ablutions, sa prière n'est pas acceptée. Sa prière est invalide. Par exemple, si tu as des enfants, parce qu'une fois, je me rappelle, à la mosquée d'Hérouville, tu avais un gars, je l'ai vu qu'une seule fois. Il est venu, il a dit: mais non, mes enfants, c'est pas grave. Ils ne font pas les ablutions, c'est pas grave. Ils ont pas la liberté. Non, ben oui, mais non, ça c'est différent. Ah d'accord, donc là c'est autorisé. L'enfant qui a plus de 10 ans, là. L'enfant qui a moins de 10 ans. Non, celui qui a 7 ans, 5 ans. Ah ouais, d'accord. Non, c'est pas. D'accord. Tu vois, tu l'habitues à faire les ablutions. Ouais. D'accord, tu l'habitues à faire les ablutions. Après, il n'a pas les ablutions. Lui, parce que le prophète, quelle est la preuve ? Dès qu'on dit c'est pas grave, quelle est la preuve ? On doit tout le temps parler avec des preuves. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit : Rufi' al-qalam ala thalath. La plume est levée sur trois types de personnes : celui qui dort jusqu'à ce qu'il se lève. Celui qui est petit jusqu'à ce qu'il atteint la puberté, l'âge de discernement, d'accord. Et celui qui a perdu de sa raison jusqu'à ce qu'il la retrouve. Donc c'est pour ça que celui qui est dans un de ces trois cas-là, ce qu'il fait n'est pas comptabilisé, d'accord. Pour lui-même. D'accord. Donc, barakallahu fikum. On avait mentionné la dernière fois que, effectivement, là, c'est pas des cours de fiqh, là, d'accord ? C'est pas des cours de fiqh, c'est juste des résumés de fiqh. C'est juste des résumés de fiqh. Parce que, comme vous savez, pour les cours de fiqh, il faut étudier la science du hadith pour comprendre, voilà, c'était cela, cela. Nous, on fait vraiment des résumés, c'est-à-dire tout le travail a déjà été fait en amont par les savants. Ils nous disent, voilà, pourquoi ceci, vous voyez les différents points qu'on va voir. D'accord ? Donc, il faut les ablutions pour faire la prière. Donc là, on en est au deuxième pilier. Il faut les ablutions pour faire la prière, déjà. D'accord ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Meftah as-salat at-tuhur, tahrimu at-takbirat al-ihram, wa tahlilu at-taslim. » La clé de la prière, ce sont les ablutions. Tout ce qui rend illicite à faire, interdit à faire, c'est le fait que tu fais takbirat al-ihram. Tu dis « Allahu Akbar », c'est qui va débuter la prière. Et ça, c'est aussi une réfutation à la secte des Ibadiyya, qui sont des néo-Khawarij. Les Ibadiyya, on en trouve dans le sud de la Tunisie. Ce sont des Khawarij, en fait, dans leur croyance. Eux ne font pas takbir l'ihram. Ils rentrent dans la salat comme ça. Comme ça, ils rentrent. C'est-à-dire, comme si, tu vois, il sort comme il rentre. Il ne fait pas de... Il ne dit pas Allahu Akbar. D'accord ? Ça, c'est dans leur égarement. Je ne sais pas sur quoi ils se tiennent, mais en tout cas, faudrait leur poser la question. Quelle est votre preuve ? Nous, la preuve, elle est où ? Elle est dans ce hadith que je viens de mentionner. La clé de la prière, ce sont les ablutions. Tout ce qui rend illicite à faire, c'est-à-dire de manger, de boire, de parler autre que ce qui est légiféré, ou de rire, ou de faire haha, comme ça, ou bien de rire, comme ça, ça annule la salette. Pendant la prière. Et pendant les ablutions, par exemple ? Non, pendant les ablutions. Donc, par exemple, faut éviter de parler. Tu sais, t'envoies, tu fais les ablutions. Ouais, ça va, et toi, qu'est-ce que t'as fait ? Je sais pas quoi. Et c'est pas dérangeant, par exemple, que t'aies les ablutions, tu fais manger et que tu pries ? Non, c'est pas ça. D'accord. C'est pendant la prière, d'accord ? Donc, tout ce qui rend interdit, exemple, c'est de faire tout cela. Et tout ce qui rend permis de faire tout ce qui est interdit dans la salat, c'est le fait que tu dises salam alaykum wa rahmatullah. Salam alaykum wa rahmatullah. D'accord ? Lorsque tu fais le taslim, ça rend licite de manger, de boire, de rire, de discuter autre que ce qui est légiféré dans la salade, d'accord ? Premier point. Donc ça, c'est déjà les ablutions. At-tahara, c'est quoi ? Linguistiquement, c'est la barakallahu fik, la propreté et la purification des choses malsaines. Propreté et purification des choses malsaines. Ça, c'est linguistiquement. Et religieusement, c'est nettoyer une chose qui n'est pas propre, enlever un état d'impureté, petit ou grand. D'accord ? Donc la règle qu'il faut savoir, lorsqu'on est dans un endroit, et on veut savoir est-ce qu'on peut faire les ablutions avec telle ou telle eau. La règle, c'est que toute eau qui descend des cieux, ou qui sort de la terre, est pure. Toute eau qui descend des cieux ou qui sort de la terre est pure. D'accord ? C'est-à-dire que si tu prends un seau vide et qu'il pleut, que tu n'as pas d'eau, toi, tu n'as pas de robinet ou quoi que ce soit, d'accord ? Tu mets le seau comme ça et il pleut, il te remplit le seau, tu peux faire tes ablutions avec cette eau-là. D'accord ? La preuve, c'est donc la preuve de cette règle-là. Toute eau qui descend des cieux ou qui sort de la terre est pure. Donc vous mettez donc Surat al-Furqan verset 48. Surat al-Furqan verset 48. Dans la traduction du sens, nous fîmes descendre du ciel une eau pure et purifiante. D'accord ? Et de la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih ibn Majah, il a dit, lorsqu'il parlait de la mer ou de l'océan, il dit: son eau est pure et ses bêtes mortes nous sont autorisées. D'accord ? Ces bêtes mortes dans l'eau et dans la mer et les océans, d'accord ? Son eau est pure et ses bêtes mortes nous sont autorisées. Donc si tu es à la plage, tu as besoin de faire tes ablutions, tu peux te faire les ablutions avec l'eau de mer. Avec l'eau de la mer, l'eau des océans, d'accord ? Son eau est pure. Le prophète Hassan, il a dit: son eau est pure et ses bêtes mortes nous sont autorisées. Ces bêtes mortes, les bêtes de CSES, c'est-à-dire les bêtes qui appartiennent à la mer et aux océans. Donc son eau est pure et ses bêtes mortes nous sont autorisées. Sahih ibn Majah. Ça, c'est clair pour la règle, hein. une autre preuve aussi, un hadith authentique, donc authentifié par lui-même l'Albani, rahimallah, l'eau est pure et rien ne la salit. L'eau est pure et rien ne la salit. Donc cette eau, elle reste pure, même si elle est mélangée avec une substance pure, tant que ça reste de l'eau. Donc l'eau est pure, même si elle est mélangée avec une substance qui est pure. D'accord ? Même si, et tant que ça reste que de l'eau. Par exemple, quel exemple vous avez ? Lorsque, essayez de vous rappeler, lors du lavage mortuaire, il y a trois lavages différents. Il y en a un notamment qu'on fait avec du cidre. D'accord ? Qu'on le mélange avec l'eau, les feuilles de lotus. Ou bien l'autre qu'on fait avec du camphre, qu'on met du camphre. Vous voyez le camphre là, tu vois le truc blanc là qui a une odeur assez forte. Vous voyez ? Pour faire repousser les moustiques, les insectes qu'on peut mettre dans des habits et tout là, qu'ils vendent là, dans les magasins, dans les sachets là, ou en pharmacie. Le camphre, tu l'écrases et tu le mets dans l'eau et tu le mélanges. Donc l'eau reste pure. D'accord ? Elle est mélangée avec une substance pure. D'accord ? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux femmes qui lavaient sa fille morte de la laver avec du camphre et des feuilles de lotus. D'accord ? Donc, ça c'est sur ce point-là. Quand est-ce qu'on juge qu'une eau maintenant, elle n'est pas pure ? Pour que tu saches que cette eau-là, eh ben, tu ne peux pas faire les ablutions avec. D'accord ? On juge qu'une eau devient impure uniquement si elle a été introduite par quelque chose d'impur et qu'elle a été modifiée. Donc si elle est mélangée avec quelque chose d'impur, ça a modifié quoi ? Sa couleur. L'odeur. Son odeur. Et le troisième ? Et son goût. Barakallahu fik. Comme les poissons, par exemple, non. Les poissons, je sais pas. Une chose qui est impure. Du riz impur, ouais. Par quelque chose d'impur, on est d'accord. Non, quelque chose d'impur. L'impureté, c'est ce qui est considéré par les gens comme étant quelque chose de répugnant. Du coup, les ablutions avec du jus d'orange, ça, c'est pas ? Non, c'est pur, ça. Non, mais c'est quoi l'impureté ? C'est ce qui est jugé par les gens comme quelque chose de répugnant. Tu vois ? C'est-à-dire que les gens, en général, savent que telle chose est répugnante. D'accord ? Si tu prends, je ne sais pas, des excréments de tel animal et puis que tu le mélanges, d'accord ? C'est répugnant, les excréments, d'accord ? Ça, c'est impur, ça. Donc, si ça va modifier sa couleur, d'accord ? Eh bien, l'eau, elle devient impur. Si le goût il a été modifié par cette chose impure, hein. D'accord. Donc on comprend bien ici, hein. C'est qu'on, yani, l'eau elle devient impure lorsqu'on rajoute quelque chose d'impur et que ça a modifié soit sa couleur, soit son goût, soit son odeur, d'accord. Soit l'une des trois. Soit sa couleur, soit son goût, soit son odeur qui a été modifiée par quelque chose d'impur introduit dans l'eau, qui elle est pure. D'accord ? Tandis qu'une eau, on va terminer sur ce point-là parce que ça fera une heure là. Tandis qu'une eau qui est en grande quantité, d'accord, reste pure même si elle contient des impuretés. Tant que son goût, sa couleur et son odeur ne changent pas. Et pour preuve, c'est le hadith où Abi Saïd, rahimahullah, dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, ferions-nous nos ablutions avec l'eau du puits de Bouda'a ? C'est un grand puits ça. Bouda'a, c'est un grand puits. Alors que dans ce puits est jeté des serviettes permettant d'essuyer le sang des menstrues, des cadavres de chiens et des saletés. Vous voyez, tout ça ce sont des impuretés. D'accord ? Mais comme l'eau elle est en grande quantité, son goût, sa couleur et son odeur n'ont pas changé. D'accord ? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit : l'eau est pure et rien ne la salit. C'est compris ? Inch'Allah. Parce que qu'est-ce que disent les savants? Ils disent que ces impuretés, dans le hadith, c'est dans ce puits, y est jeté. Ce n'est pas des impuretés qui étaient présentes. Ça veut dire qu'elles sont arrivées, soit par les pluies, que donc des torrents ont fait. Voilà. Voilà. Et si par exemple, oui, mais tant que son odeur, son goût et son et sa couleur n'ont pas changé, d'accord? Voilà. Bah oui, mais le goût, tu peux goûter que son goût. Le lot soit. Si tu vois qu'il y a un goût d'impureté quoi que ce soit, tu vois, ça son odeur, ça se sent même l'eau. Et donc ce qu'il y a, c'est pour ça ce que disent les savants. Ils disent tout d'abord, c'est que dans ce puits y est jeté. D'accord, ces impuretés sont arrivées dans le puits, elles sont arrivées. En aucun cas, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam jetaient des impuretés dans ce puits-là. D'accord, mais elles sont arrivées dans ce puits-là, ces impuretés. Parce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les meilleurs gens de cette communauté. Et il est inconcevable et impensable qu'ils jettent des impuretés dans un puits que les gens utilisent pour... que les gens utilisent son eau, soit pour boire ou soit faire les ablutions, d'accord? Et les savants ont expliqué ce que ces impuretés sont arrivées par l'intermédiaire des torrents ou des fortes pluies qui ont amené toutes ces impuretés dans ce puits, qui ont fini leur chemin dans ce puits, d'accord? Donc on va s'arrêter sur ce point-là, Inch'Allah, et on va continuer donc la semaine prochaine, Inch'Allah, bi'idhnillah. Sur la description de la salle. Ya Allah Musta'an. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.